Hush, vas-y, balance le son. Écoute papa, écoute papa, ça passe comme ça. Dédicace à tous les dealers de ça, c'est pareil. Ouais, c'est ça, t'as vu, tu check ça, ça se trouve. Ah, tu vois, ouais, c'est ça, tu check. Ouais, c'est ça, t'as vu, tu check ça, ça se trouve. Ah, tu vois, ouais, c'est ça, tu check. Il y a longtemps, loin d'ici, vivait dans ce pays. Étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Sommes les petits schtroumpfs. Les petits schtroumpfs, vous avez dit. Petit schtroumpf, attention, regarde Kamel dans cette maison. Pas vrai. Wesh gros, avec Azrael, son chat, il va te pécho comme ça. Si Azrael il pécho, il va te péter la boîte à Benko. Petit schtroumpf, attention, fuyez cette maison. Regarde Kamel et son chat, combine un plan qui vous perdra. Hey, spécial dédicace à tous les bisounours, je vous en prie. Spécial dans dédi. C'est un son de ouf, c'est un son de schtroumpf. Schtroumpf à lunettes, vas-y dans tes baskets. C'est un son de ouf, c'est un son de schtroumpf. Dans ta maison en champignon, tu balances que du bon son. C'est un son de ouf, c'est un son de schtroumpf. Hey, schtroumpf acrobate, t'as les schtroumpfs qui grattent. C'est un son de ouf, c'est un son de schtroumpf. Dans ta maison en champignon, tu passes ton temps à gratter le fion. La la la schtroumpf la la. Bien schtroumpfé en cœur. T'as vu. La la la schtroumpf la la. Ça te portera bonheur, wesh gros. Ha ha. Ouais, écoute ce message, il est pour toi. Enculé ta race, mais ta mère elle rentre chez toi. Eh, c'est bizarre, on est habillé de la même couleur que les keufs. Eh, c'est normal, on est des schtroumpfs. C'est le rap du schtroumpf. Ouais, c'est ça la galère, la misère. T'as vu, tu vois, ça se passe comme ça. C'est le rap du schtroumpf. Ouais, égare Kamel, mange ta Kamel, ça c'est pareil, chaque fois c'est pareil. C'est le rap du schtroumpf. Ouais, c'est le freestyle racaille, tu vois, comme ça, c'est ça. La la la schtroumpf la la. Bien, je trouvais en cœur. C'est ça. La la la schtroumpf la la. Ça te portera bonheur, wesh gros. Vas-y, qu'est-ce que tu fais là? Touche-toi toi. La la la schtroumpf la la. Ça te portera bonheur, wesh gros. Oh là là, DJ, pourquoi t'as touché au bouton? On était trop chaud là. Elle est vraiment trop bonne cette salse pareille. Elle m'a défoncé le bonnet.